And I raised up to my and Not pay. And the end, mama. And the end. Oh, En ce moment, j'essaye de faire ça. T'as tes casters. J'ai trouvé avec l'autre Nice Rogers. Ah ben tiens, tu peux l'avoir. J'ai trouvé en MIDI-FI. On doit pouvoir la mettre sur le EZ, là, tu sais. Comment on fait si on le met sur une batterie? Si tu mets sur ça marche sur la batterie. Oh putain non, il sort toute la piste. Putain, j'ai voulu mettre la batterie, il m'a sorti toutes les pistes sur Reaper. Alors là, va trouver la piste. Putain. Oh mais c'est pas ça.